Ouais. V'là un billet d'humeur à 2 centimes, comme une affirmation fondée sur un ressenti. Tu veux démonter un cliché, tu rentres dans un autre éternel dilemme, tricher ou avoir tort et faire avec. Non, il aime pas le ciné, oui je suis terre à terre. L'autocensure ça sert à se taire quand la prudence s'impose. Et j'ai parlementé avec des gens engagés, genre saisonniers. J'ai perdu mon temps, j'aurais dû cogner entre l'ambiguïté et la limpidité. S'il faut se positionner, à choisir, j'aime autant le côté franc du collier. J'exagère ou j'image, hein. J'ai rarement honte de mes opinions, et même quand c'est le cas je rougis mal. Après, chacun sa vision de l'essentiel, allégorique et sensuel, bien catégorique et sentiel. C'est à nos enfants qu'on s'en prend. On, c'est Monsanto qui nous pèse sur notre consentement. On s'en prend, enfin on s'en tape, puisqu'au final on est tous en train de devenir consanguins. Allez, on s'embrasse, les faux semblants du milieu hip-hop, j'en ai ras-le-bol. Ma seule rétribution, c'est les potos qui me disent j'en mets l'album. Toute critique, même subjective, est la bienvenue. Sans ça, je suis désœuvré comme Luc le Vénard sans les Dalton. Si t'attends de voir où je veux en venir, je le sais pas moi-même. On sait jamais trop à quoi s'en tenir avec cette musique à 3 lettres. Chaque génération a son lot de combats. Pourquoi ? La notion de collectif a un intérêt d'abord pour soi. Suis le consensus ou tu te fourvoies. Personne t'a demandé ce que t'en penses. Parle d'autre chose et reste courtois. J'sais pas moi, d'art ou de rap. Dernier essai, ok, parle à lui. Moi, ça va pas m'intéresser. Tu voulais danser, change de disque. Je n'ai pas trouvé comment me faire comprendre sans en prendre le risque. Fuir les ennuis par l'isolement, c'est trop facile comme rejeter la faute sur son assemblée en la dissolvant. Mais hey, je vais pas m'emmerder à prêcher des convertis, parler de misère sociale à ceux qui passent leur nuit sous le vent. Plus que tout, j'exècre les rappeurs aux élites qui nous disent quel cheminement suivre pour passer de la cave aux élites. À qui d'autre imputer le chaos qu'aux élites et aux ennemis de la liberté. Bush, Sharon, Khomeini, Jin Tao. Si t'attends de voir où je veux en venir, je le sais pas moi-même. On sait jamais trop à quoi s'en tenir avec cette musique à 3 lettres. J'irai marcher sous la pluie, Mob Deep dans le casque, me répétant des baffes se perdent, putain des baffes se perdent. Puisque je vois aucun de mes anciens potes du bloc 10 dans le paf, qu'ils aillent se faire là où les flics s'embrassent. Petite entrave, grande jouissance. J'parle pas d'une grosse bousculade pour une petite dédicace de merde. Avant, j'prenais des pincettes. J'en ai plus rien à foutre que des fictions provoquent des étincelles. Je gagne ma vie la tête haute, d'autres foncent tête baisée de peur de perdre. Mais non, j'suis pas d'une humeur de merde. J'radote, c'est que j'étudie trop les causes de mon désarroi. Un autiste érudit devant ses droits. Chez moi, les gens se foutent des panthères noirs et ne différencient plus ce qu'ils sont censés ignorer de ce qu'ils sont censés croire. J'l'ai dit à ma copine, si j'suis pas mort d'ici que le FN passe, enterre-moi vivant et pas dans le sang, serre-moi. Tu vois où j'veux en venir? Tant mieux parce que moi pas. Eh ben, tu respires la joie de vivre aujourd'hui. Tu te fous en l'air à quelle heure ?